Si tu bats qui top, fais ça franchement. Faut savoir ça, on les souligne en homme calmement. Ce soir fait parler les fesses. Ce soir fait parler les. Laisse parler les fesses. Ce soir fait parler les. Vibre ça qu'on téléphone. Tout sens téléphone. Au maté qu'on tout sens. Tout sens téléphone. Pull up da dan dan. Pull up da dan. Bad bocho, pas bad fia. We me the don don. We me the don baby. Si ou les cocottes là, plein frigidaire. Fais qu'on s'y noie dans la cabane. Écase la banane. Back it up, faut que ton ex bande. Bébé fait jol jaloupon. Like Nikiti, Togen, Big Pompa. Faut chillot la fête tanga. Tu sais que t'es joli, on regarde, on ne touche pas. Bad bochoa, pas bad fia. Bébé paye, bon paye. Break that. Ces autres j'attends, t'es comme un bash. Toi et quoi. Fuck that. Caca comme tout pompe, pas so bad. Body talk man, body act, body act, body sit, body fuck, big monkey, boom boom shot. Donne tout ce que tu peux, tout ce que tu as. Girl bloqué, passe de mes seins en couillon. Fais comme si c'était un bouillon. Il faut que tu whine, allez remis le coupion. Ça qui cagade ou c'est couillon. Like Nikiti, Togen, big pompa. Faut chill out la fête tanga. Tu sais que t'es joli, on regarde, on ne touche pas. Bad bochoa, pas bad fia. Pull up da dan dan. Pull up da dan. Bad bochoa, pas bad fia. We me the don don. We me the don baby. Si ou les cocottes là, plein frigidaire. Coco, on a dans le carbone. Sexy bun. Écase la banane. Back it up, faut que ton ex bond. Baby fait chol jaloux bon. Bon. Big pom pom pom. Big pom pom pom. Back shot. Pom pom pom. Pom pom pom. Backshot, backshot, backshot. Si tu back it up, fais ça franchement. Faut savoir ça, on les souligne en homme calmement.